les yeux un peu perdus dans l'immense étoilé. Je me dis qu'au fond le ciel, c'est le plus beau précipice. C'est là que se sont perdus depuis l'humanité les réponses essentielles, les rêves qui aboutissent. Assoiffé d'ivresse, de jubilation utile, ce vertige qui me presse à sa brève futile. Comme une pulsion de vie, ce truc qui fait qu'on tient, qui nous fait regarder plus loin, chercher la terre patrie. Ou sur les pavés millénaires, le frère tue le frère pour Dieu, pour apaiser ses colères. Et le sang coule sans nouveau pour exorciser le sang. Les larmes s'en vont à l'eau, trop humaine tradition. Le malheur du moment porte l'instant suivant dans un monde qui s'écroule sous la haine et la violence. Comment affronter la foule alors que tout crie vengeance? Comment retrouver le sens, le signe, la ressemblance, la ressemblance, la sapiens me traîne accroché à ces états d'âme. Je voudrais t'en briser les liens, effacer cette mémoire, pouvoir balayer le rien et la peur et le noir. Plier ces tubes de colle sur des parkings où l'on se bagne. Tout ce qui vient des bricoles incarce une pute de trois coups de lame. C'est des plaisirs éphémères dans des boîtes à flips souterraines où le bombé vient pour avoir l'air et se masturber la vedette. Je me dis qu'au fond le ciel,